écoutez, Evelyne, si vous voulez qu'on travaille demain, je vous propose qu'on se retrouve dans un bistrot quelconque. Oui, quelconque, c'est-à-dire que vous n'avez aucune idée, ni du nom, ni de l'adresse, etc. Aucune. C'est un bistrot que vous allez prendre au hasard et peu vous importe finalement. C'est en gros le sens du mot quelconque, quelque chose qui n'est pas remarquable, qui est sans particularité. Il a des sens plus précis dans un vocabulaire mathématique, par exemple un triangle quelconque n'est ni isocèle, ni a fortiori équilatéral, ni rectangle d'ailleurs. Prenez un point quelconque sur la droite XY, c'est-à-dire prenez celui que vous voulez. Vous diriez difficilement prenez un quelconque point sur cette droite. Difficilement. Oui, en revanche, si pour une raison quelconque vous arrivez en retard, si pour une quelconque raison vous arrivez en retard, les deux sont possibles. Attention, la deuxième formule est tout de même un petit peu plus soutenue, un petit peu plus littéraire. Oui, d'ordinaire, on met l'adjectif quelconque après le nom auquel il se rapporte et non pas avant. Mais moi, je reviens à mon histoire de rendez-vous avec vous. Je vous en prie, oui. Je veux bien que ce bistrot quelconque soit pris au hasard, mais je ne souhaiterais pas qu'il fût d'une qualité médiocre, si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'un bistrot quelconque, ça a aussi le sens de médiocre, peu intéressant, de... On y mange mal, il y a trop de bruit. À ce moment-là, l'adjectif quelconque n'est plus un adjectif indéfini, mais c'est un adjectif qualificatif. La preuve, on peut dire, c'est un bistrot assez quelconque, très quelconque. À partir du moment où on peut moduler le sens de cet adjectif, c'est bien l'indice que c'est un adjectif qualificatif. Il qualifie les éléments, mais également les individus. Je suis désolée, figurez-vous, parce que mon meilleur copain, Michel, a épousé une fille assez quelconque. C'est-à-dire qu'elle n'est pas très intéressante. Enfin, elle n'a pas l'air de me plaire. Mais ça pourrait être pire. Non, je dis ça parce que le mot quelconque est péjoratif, c'est vrai, mais pas énormément péjoratif. Si vous dites que votre cousin Michel a aussi acheté un pavillon de banlieue un petit peu quelconque, ce n'est pas une très très jolie maison, mais c'est une maison qui ne se singularise pas, qui ressemble à toutes les autres, et c'est également l'un des sens du mot quelconque. Lorsque l'on veut faire des sondages d'opinion, on prend des gens au hasard, c'est-à-dire qu'on va interroger des passants quelconques. On pourrait également dire qu'on va interroger une personne lambda. Mais attention, c'est un vocabulaire très familier qui imite, mais de façon un peu narquoise, ce vocabulaire statisticien. Si j'emploie l'adjectif banal ou commun ou ordinaire, je change quand même un petit peu de registre. Je ne désigne pas par là des gens qui sont pris au hasard, mais davantage des gens qui n'ont pas de particularité réelle, qui n'ont pas de qualité remarquable. Et là, je fais un jugement de valeur. Une journée banale est une journée dans laquelle il ne s'est pas passé grand-chose. Je peux également employer l'adjectif ordinaire. Mais alors là, je gravis, je crois, un petit échelon dans le côté péjoratif. Lorsque je dis des Fraissinais que ce sont des gens ordinaires, je peux dire qu'ils sont simplement sans éducation, sans raffinement, mais selon le contexte, ça peut être tout à fait désagréable. Oui, mais si vous dites des Fraissinais que ce sont des gens très communs, eh bien là, vous serez encore plus méchante. Des gens communs sont des gens qui ont des manières communes, c'est-à-dire des manières vraiment grossières. Des gens ordinaires, c'est pas très gentil, mais cela veut dire des gens qui viennent d'un milieu populaire, d'un milieu modeste, et parfois c'est quand même relativement neutre. Notons pour finir que quand on veut souligner le caractère d'une personne ou d'une chose d'ailleurs, on dira volontiers qu'elle n'est pas banale, qu'elle est peu commune, ou vraiment... peu ordinaire. C'était Parler au quotidien, une coproduction du Centre national de documentation pédagogique et de Radio France Internationale.